Les sociétés modernes sont-elles fragiles? Certainement. D'ailleurs, l'ouvrage de Jared Diamond, paru en 2005 et intitulé « Collapse » ou « Effondrement », qui s'intéressait à comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, a été non seulement un véritable succès littéraire, mais surtout une prise de conscience pour nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, pas un jour sans que ne soit évoqué Anthropocène, changement climatique, crise, catastrophe naturelle, mais aussi résilience, notion désormais au cœur de nos débats sociétaux. Parallèlement, climatologues ou historiens se sont depuis longtemps plongés dans le passé pour mieux comprendre notre présent, voire envisager l'avenir. Les archéologues aussi. Et depuis désormais plus de 2 décennies, crise et résilience constituent pour eux un véritable thème de recherche. Pour preuve, vient de se tenir à Lillebonne un colloque autour des crises et résilience urbaines au cours de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Pour comprendre comment les populations urbaines pouvaient vivre avec de nombreux risques, mais aussi quelles furent leurs réponses, 3 invités. Marguerite Ronin, Ricardo González Villaescusa, Jonas Paretias, bonjour. Bonjour. Bonjour. Jonas Paretias, vous êtes archéologue pour Co-Seine Aglo, en Seine-Maritime. Marguerite Ronin, vous êtes chargée de recherche au CNRS et au téléphone avec nous d'Allemagne. Ricardo González Villaescusa, vous êtes professeur à l'Université de Nanterre et œuvrez actuellement à une chaire Jean Monnet. Ricardo González Villaescusa, qu'est-ce qu'une crise pour un archéologue? Bon voilà, nous on est parti un peu de la définition des crises du Manuel Wallerstein, qui dit que voilà, quand une société trouve en face des problèmes à répétition sans pouvoir prendre des décisions dans les cadres de son propre système, c'est à partir de ce moment qu'il se produit une crise. Et cette crise, c'est justement la réponse à tous ces problèmes. Et en archéologie, ces crises se manifestent, comme d'habitude dans le registre archéologique, par des transformations profondes, par des statues de boulonnais, par des transformations d'usage des monuments ou par des transformations des usages du sol. Les causes sont bien entendu multiples, tant naturelles qu'humaines. Rappelons que Tacite évoque Néron mettant le feu à Rome dans la nuit du 18 juillet 65, donc 5 ans avant la catastrophe de Pompéi. Quels étaient donc les risques majeurs durant l'Antiquité? Une partie des nôtres? Oui, en partie le même. On peut dire, on peut parler des incendies, on peut parler de catastrophes naturelles, on peut parler aussi des problèmes de construction, mais aussi de tous les séismes, les volcans. Évoquons le feu, puisque l'on connaît celui de la bibliothèque d'Alexandrie, le grand incendie de Rome en 64, mais aussi celui de Lyon en 65, en 69, le Capitole de Rome brûlant à nouveau, et en 70, ce sera au tour de Jérusalem. Cela tombe bien, les incendies, on les repère bien en archéologie? Effectivement, les incendies constituent un des risques et le plus facilement caractérisable d'un point de vue de l'archéologue. Tout simplement, on fait une observation par contraste avec les autres couches stratigraphiques qui n'ont pas justement subi ces aléas. Et de manière très concrète, ça s'observe par des différences de colorimétrie qui permettent de dater, notamment avec le mobilier, l'année ou en tout cas la période à laquelle cet incendie peut avoir eu lieu. Le sol devient rouge, c'est ça? Exactement. La rubéfaction. 50 nuances de rouge et 42 nuances de noir, en tout cas une multitude de couleurs qui sont observées et ensuite... Bien sûr, pour la datation, c'est le mobilier, essentiellement céramique, qui va permettre d'amener une fourchette chronologique, alors qu'il ne va pas être daté à l'année près. Ça, en l'absence de texte, il est toujours difficile de faire un lien entre un événement qui survient et une datation, un phénomène. Mais en revanche, on va pouvoir créer une fourchette chronologique qui peut être de la décennie ou du demi-siècle. Alors, durant l'époque gallo-romaine, il y a visiblement quantité de villas qui ont été incendiées, c'est quelque chose d'assez fréquent. On y a même vu des phénomènes, des invasions barbares et ce genre de choses. Alors effectivement, il faut toujours remettre en perspective que l'époque romaine n'est pas uniquement une période où on a du bâti monumental qui est en pierre. On a également énormément de monuments, de bâtiments qui sont en matériaux périssables, notamment en terre et en bois. Et donc ce sont des techniques qui sont largement soumises aux aléas, parmi lesquelles les incendies. Mais il ne faut pas non plus avoir une vision qui est trop catastrophiste de ces phénomènes dans l'Antiquité, puisque c'est quelque chose qui survient de manière assez régulière, et très probablement que nos sociétés contemporaines ont eu tendance à quelque peu oublier ces risques, parce que justement, maintenant, on a tendance à les circonscrire, et elles étaient de toute façon beaucoup plus fréquentes pendant l'Antiquité. Et puis ces risques sont tout à fait intéressants pour les archéologues, puisqu'ils retrouvent quantité d'objets. Ricardo González Vilescusa, vous êtes penché sur les incendies d'une cité antique, celle des Eburovis Évreux. Elle aurait brûlé, et à maintes reprises. Voilà, à plusieurs reprises, cette ville. Les archéologues qui ont fouillé dans cette ville, ils ont détecté des couches d'incendie à répétition, parfois circonscrites à une parcelle ou deux parcelles, mais en d'autres fois, c'est un peu plus généralisé. Et ce qui est un peu intéressant de ce point de vue, hélas, pas pour ceux qui l'ont souffert, c'est plutôt que les archéologues ont détecté une série d'incendies au 1er siècle, au 2e siècle, mais tous les incendies du 1er et 2e siècle, normalement, les fonctions urbaines préalables, la résidence, les monuments, etc., après l'incendie, il y a une reprise de la même fonction. C'est que c'est réhabité tout de suite. C'est réhabité, ça continue, la même fonction. Donc on voit qu'il y a une crise, un incendie en l'occurrence, et puis une reprise de la même activité. Tandis qu'à partir du 3e siècle, on peut distinguer parfaitement qu'il s'agit d'un moment où il y a une transformation de la ville après l'incendie. Donc, c'est une réaction différente. Alors justement, au IIIe siècle, l'incendie serait bien plus violent. Et pour l'historiographe local, le feu aurait été carrément généralisé à la ville. C'est possible, mais en même temps, on est capable de distinguer qu'il y a, dans certains moments, il y a une capacité de réaction. Mais en même temps, les incendies de cette centurie montrent qu'il y a une moindre capacité à réagir aux incendies. Très probablement, c'est vrai qu'il y a des incendies à toutes les époques, mais en même temps, on est capable de distinguer que probablement, ce sont les autorités municipales qui sont en moindre disposition de réagir contre les incendies, donc une plus grande généralisation. Donc ce ne serait pas un problème naturel, ce serait un problème d'organisation et donc social ? Absolument, et alors ça remet en cause la capacité de résilience des sociétés. Bien sûr, la dégradation des services publics. La dégradation. Un sujet qu'on connaît aujourd'hui, voilà, dont on parle beaucoup. Voilà. C'est justement, c'est pas forcément que les catastrophes sont plus accentuées, plus grandes, plus à répétition, mais que la capacité de la société est plus petite. Alors, peut-on dire qu'au 1er et 2e siècle, une résilience post-crise s'est opérée à Évreux, comme dans d'autres cités, bien sûr, mais qu'au 3e siècle, la crise a été suivie d'une profonde mutation ? Une profonde mutation que, à cette époque-là, la ville, elle se rétrécit. Dans cette ville en précise, justement, il y a deux projets de rempart, un projet qui échoue et un deuxième projet qui rétrécit la ville et qui réduit un peu la dimension de la ville protégée. En tout cas, pas habitée, pas forcément habitée. Jonas Parétias, à eux, en Seine-et-Marne, ce sont des glissements de terrain qui affectent la cité, semble-t-il, érigée au mauvais endroit. Face à ces bouleversements, quelle stratégie met en place la population pour ne pas abandonner la ville ? Alors effectivement, la ville 2, donc, dont le nom antique était Briga, grâce aux recherches qui ont été menées depuis 20 ans maintenant par Étienne Mantel, de la Drac et Serra de Normandie, on a une extrêmement bonne connaissance de cette ville justement, et particulièrement d'un quartier qui se trouve au nord de l'agglomération, une agglomération qui fait plus de 65 hectares à son apogée au milieu du 3e siècle, et un quartier donc qui faisait environ 4 hectares à son origine, a été fouillé sur à peu près un quart de sa superficie, ce qui permet de bien documenter l'évolution structurelle de ce quartier, îlot par îlot, et justement les dynamiques et les réponses qui ont été apportées par les populations. Il faut savoir que ce secteur est bâti sur un substrat qui est argileux, et donc les Romains ont été très tôt confrontés à un certain nombre de glissements de terrain qui ont affecté dès la fin du 2e siècle et début du 3e siècle de notre ère un certain nombre de bâtiments. Et ils ont mis en place des stratégies qui sont extrêmement simples, qui n'ont pas forcément nécessité l'intervention des pouvoirs municipaux. Tout simplement, ça passait par une reconstruction, parfois à l'identique, parfois en modifiant légèrement le plan de la maison pour éviter justement de reproduire cet aléa, parce qu'on est dans un secteur qui est particulièrement marqué par une pente. Et donc on imagine bien un substrat argileux qui est gorgé d'eau et on a des rétractations régulières suivant une temporalité qu'on ne connaît pas, ça peut entraîner justement des modifications, d'autant que ce bâti est en matériaux périssables, avec des murs qui ne sont pas maçonnés, et donc il était de toute façon beaucoup plus sujet à ces aléas. Le dernier point sur cet aspect, c'est qu'ils ont été nécessaires de contreforter les bâtiments. On a des sortes d'alignements de trous de poteaux qui sont là pour justement en quelque sorte, lutter contre les vicissitudes du temps, des tentatives qui sont quelque peu désespérées, puisque, à la fin du IIIe siècle, pour une multitude de raisons, le quartier, comme l'ensemble de la ville, va être totalement abandonné. Il est abandonné, mais au départ, c'est une erreur presque d'urbanisme. Alors, soit une erreur d'urbanisme, soit ils ont rencontré des problèmes qui ne figuraient pas au départ, au moment de l'implantation de la ville, puisque l'occupation humaine, elle remonte, pour l'époque romaine, à l'après-conquête romaine, dans les années 30-20 avant notre ère. La ville se développe dans le courant du 1er siècle et pendant le 2e siècle. Et donc, finalement, on peut aussi envisager que, peut-être pour une multitude de raisons, peut-être parce que l'optimum climatique romain arrive à son terme, qu'on a justement des détériorations climatiques qui vont faire que les techniques qui étaient mises en œuvre jusqu'à présent ne permettent plus justement l'implantation de la vie humaine de manière durable. Marguerite Ronin, Rome, c'est aussi des inondations liées aux caprices de la nature comme aux erreurs des hommes. Oui, pour rebondir aussi sur ce que disait à l'instant Jonas, c'est de toute façon toujours en fait une conjonction des deux, c'est-à-dire que les risques et puis le résultat des risques, quand les risques se réalisent, c'est-à-dire les catastrophes, c'est toujours la conjonction d'un aléa qui est un événement naturel, ça peut être une crue, ça peut être le substrat qui est d'une certaine nature, etc. Et puis d'un certain nombre de facteurs qui sont uniquement des facteurs humains. Et c'est parce que les intérêts humains sont affectés par l'aléa, en fait, qu'on est dans un risque et qu'on est dans une catastrophe. C'est-à-dire que s'il y a un séisme au milieu du désert où il n'y a personne, on n'appellera ça ni une catastrophe et on ne parlera pas non plus de risque. Donc à Rome, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des inondations qui peuvent se transformer en catastrophes parce que les crues du Tibre affectent des intérêts humains. Mais ces intérêts, en fait, c'est tout le problème de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de la société, enfin, d'un certain groupe à s'installer aussi près en fait, du fleuve et donc de s'exposer très fortement au risque, cet intérêt, d'une certaine façon, il dépasse en fait les risques potentiels et puis éventuellement les dommages qui peuvent s'en suivre. C'est-à-dire c'est des intérêts commerciaux, économiques, puisque une bonne partie en fait du ravitaillement de Rome arrive par le fleuve, par la mer et puis par le fleuve. Donc il y a une conjonction en fait des deux. Il y a des digues qui sont construites parfois au mauvais endroit. Il y a aussi des erreurs dans le sens où rétrospectivement pour nous ça semble être des erreurs pour des questions en fait de connaissances tout simplement technologiques. Par exemple dans le cas des inondations qui ont lieu à l'époque de Tibère, donc de l'empereur Tibère au début du 1er siècle après Jésus-Christ, il y a un projet de noyer en fait la plaine en amont du Tibre pour éviter en fait les inondations à Rome même. Mais ça ce sont des projets qui auraient probablement, d'après les hydrauliciens aujourd'hui, qui auraient probablement de toute façon pas donné de bons résultats en fait. Mais ça c'est évidemment ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Puisque l'on est dans l'hydraulique, Ricardo González Villaescusa, les égouts bouchés d'Aosta, c'est un beau sujet en soi. Bah oui, c'est pareil. Trombosé, vous dites. C'est pareil que les incendies. En fait, quand on fouille les fameux égouts que j'ai évoqués dans ces mêmes programmes, on se rend compte qu'ils construisent à l'époque augustéenne les égouts, qu'ils sont nettoyés, et donc on ne trouve pas des traces significatives des inondations. Tandis qu'à partir du deuxième siècle, de la seconde moitié du deuxième siècle, il commence à avoir un déclin, on va dire, de l'entretien, de l'écurage de ces égouts. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il commence à avoir un dépôt qui s'accumule. Et quand il y a des inondations, justement, ces réductions du débit de ces égouts provoquent une thrombose que j'appelle une thrombose d'une partie de l'égout, donc ce qui provoquait sans doute dans les proximités de cet égout un problème d'inondation. Ce qui est aussi, comme les incendies dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement le même problème. On est en face d'une situation, il y a des inondations au 1er et au 2e siècle, mais justement ce sont les inondations du 3e siècle qui finissent par effondrer le système. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. À la suite d'une catastrophe à Rome, Diodore de Sicile raconte, et je le cite, « On permit à chacun de se bâtir une demeure à l'endroit qui lui plaisait. Il s'ensuivit que les rues furent étroites et tortueuses et il ne fut plus possible de les aligner lorsque plus tard la ville s'agrandit. » Marguerite Ronin, Que font donc les pouvoirs publics? N'ont-ils pas légiféré pour trouver les réponses? Le système juridique romain pouvait-il offrir lui aussi des solutions pour atténuer ces risques? Les pouvoirs publics sont pas du tout inactifs, en particulier à Rome, dans l'Ourps, en raison de l'importance en fait du système urbain de Rome elle-même pour l'ensemble du monde romain, qui est représentative en fait, qui est de la puissance romaine. Et les pouvoirs publics sont pas du tout inactifs. Alors il y a, en tout cas, dans le domaine juridique, enfin dans ce qu'on peut appeler en gros une réglementation si on veut, il y a deux types de réponses qui sont apportées. Il y a d'abord en fait les solutions de ce qu'on appelle le droit privé, les relations entre les particuliers. Et là, on a plein de possibilités en fait d'action pour les particuliers, notamment quand il y a des immeubles qui menacent de s'effondrer. Alors ça peut être lié au fait que les rues sont trop encombrées par exemple, ou qu'on construit de trop mauvaise qualité. Et il y a des systèmes de garantie entre particuliers pour s'assurer que si un immeuble s'effondre, le propriétaire de l'immeuble qui s'effondre va payer la réparation pour les dommages aux voisins. Donc ça, c'est un type de solution qui peuvent être apportées. Donc ça, c'est entre les particuliers. Mais les empereurs, à partir du 1er siècle, les empereurs donnent aussi prennent des dispositions en tout cas pour éviter au maximum ce type de situation. Et après l'incendie de 64, Néron prend des dispositions pour qu'on reconstruise d'une façon qui soit un peu plus aérée, qui laisse plus de place entre les immeubles, par exemple, et puis qu'on limite la hauteur des immeubles. Alors tout le problème en fait de ces dispositions, c'est de savoir dans quelle mesure elles sont appliquées. Que ce soit entre les particuliers, parce que ça suppose que les particuliers en fait interviennent en justice et donc poursuivent en fait leurs voisins en justice, par exemple. Et ça, on sait que ça arrive, mais on sait que ça arrive très fréquemment, mais c'est difficile d'estimer exactement à quelle fréquence. Et puis pour les empereurs, voilà, ça reste quand même assez difficile de savoir, surtout par exemple pour la hauteur des bâtiments, on n'a plus d'élévation. Nous ne sommes plus dans le libéralisme absolu, du coup. Là où on pourrait parler d'une certaine façon, de façon un peu anachronique, mais de libéralisme, c'est que le système est laissé beaucoup, en tout cas la gestion des risques, est laissée beaucoup aux mains des particuliers qui, en défendant leurs intérêts personnels, si on a une berge qui risque d'être inondée, on peut la protéger. Si on a un immeuble qui risque d'être affecté par l'effondrement de l'immeuble d'à côté, on peut agir. Et donc les particuliers, en fait, en protégeant leurs intérêts personnels, d'une certaine façon, finalement, agissent pour l'intérêt général. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un système. Si tout le monde se garantit contre ce type de risque par rapport à son voisin, par exemple, on a un système qui fonctionne globalement. C'est là qu'on peut peut-être parler de résilience. Je pense que le système juridique joue un rôle. Jonas Paretias, l'impact des aléas naturels ou humains entraîne aussi des mutations territoriales. C'est le cas de Lillebonne ? Effectivement, Lillebonne, l'antique Julio Bona, constitue un exemple particulièrement privilégié pour l'observation et c'est ce qui faisait aussi tout le sens d'organiser ce colloque justement à Lillebonne. Il se trouve qu'à la fin du 3e siècle de notre ère, on est dans une période où ce secteur géographique de l'actuel nord de la France rencontre un certain nombre de soubresauts, des soubresauts qui peuvent s'expliquer notamment par la présence de la Franche côtière, la Manche se trouve à quelques kilomètres, et dans le cas de Lillebonne, de la Seine. Les sources antiques nous relatent l'existence de pirates saxons, notamment de Germains, qui viennent dans le secteur, qui, par des raids, peuvent complètement bouleverser l'équilibre qui est existant, mais encore une fois, les risques qui existent sont toujours multiples. C'est pas un événement en particulier qui a pu conduire à des mutations, mais en tout cas, c'est un ensemble qui forme un tout. Et dans le cas de Lillebonne, à la fin du 3e siècle, on a l'attestation de la perte du statut presque le plus important dans le secteur, c'est celui du chef-lieu de cité. Lillebonne va redevenir en quelque sorte une ville comme une autre, parce que de deux territoires, la cité des Calettes et la cité des Véliocas à Rouen, on va, par une décision très probablement impériale, passer à une seule cité. Et donc, en quelque sorte, Julio Bona va perdre cette prérogative, ce qui entraîne des conséquences, bien évidemment, qui sont palpables pour les notables qui vivaient dans le secteur. Une cité secondaire, comme on dit en général, disent du moins les archéologues. C'est ça, on parle d'agglomération secondaire, bien que parfois ces agglomérations dites secondaires dépassent en superficie et en richesse des chefs-lieux. Ricardo González, les volcans ont représenté un fléau majeur pour les villes de l'Antiquité romaine. Pourtant, les hommes ont continué à habiter à leur proximité. Il y avait conscience, bien sûr, du danger, d'où le recours à des pratiques divinatoires. Mais c'est étonnant comme résilience, ça, la divination. Oui, c'est l'objet des communications dans ces colloques. Et comme le disait Marguerite, tous les risques, ce sont des risques justement parce qu'il y a une capacité d'attraction à des sociétés. Donc les volcans, c'est dommage, mais quand même, les sols qui sont proches des volcans sont très riches. Et donc ça provoque que les sociétés restent. Et en même temps, dans la mémoire des sociétés humaines, une erreur tous les X ans, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc oui, c'est une opportunité et en même temps un risque. C'est-à-dire que la mythologie aurait permis d'apprivoiser ces risques. Voilà, c'est pas ça, hein. Il est évident, même aujourd'hui, de nos jours, on n'a pas la capacité de prévoir et de prédire un sisme ou une éruption volcanique. Donc, l'objet de cette communication était de dire, toutes les pratiques divinatoires qui s'est développées autour des volcans étaient une manière de résister et de résilience au phénomène qui est, d'une certaine manière, ou d'une grande manière, imprévisible. Autre cas, quelles furent les réponses de l'URSS et des cités de l'Empire aux pestes du IIIe siècle de notre ère ? Pareil, d'une part, il y a tout un développement du recours à la divinité. C'est le christianisme qui apparaît, visiblement. C'est le christianisme qui apparaît à cette époque-là, qui est à peu près contemporain de cette période. Par exemple, il y a un phénomène qui est justement ne pas savoir comment la peste arrivait malgré le rempart. Comment arriver à l'intérieur de la ville et comment, justement, la ville, c'est un lieu, du fait de la promiscuité de l'habitat urbain, c'est un lieu privilégié des épidémies. La peste est plutôt urbaine. Voilà. On sait d'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit des pestes. Voilà, ce sont des pestes dans Pestilentia, dans l'Antiquité. C'est un nom commun qui désigne tout type de diffusion d'une maladie infectieuse, on va dire. Marguerite Ronin, les sociétés antiques sont-elles résilientes ? Oui, à partir du moment, d'une certaine façon, où il y a société, il y a forcément résilience. La question, c'est de savoir combien de temps, en fait, cette résilience va durer. Dans le cas de l'Empire romain, c'est un phénomène particulièrement intéressant parce que c'est un peu un cas d'école, finalement, l'Empire romain, un cas d'école, aussi un cas pratique, mais je veux dire, c'est très exemplaire dans le sens où on parle d'Empire romain, au final, quasiment pendant un millénaire. Et pourtant, au cours d'une si longue période, en gros, du 5e avant au 5e après, on a des changements considérables, en fait, qui interviennent dans la société, aussi bien au niveau territorial, politique, culturel, religieux, etc. Et pourtant, on parle toujours de l'Empire romain et les Romains du 5e siècle font remonter leurs origines, en fait, très très loin dans le temps. Ça veut dire que il y a une capacité de l'Empire romain à se transformer, donc à retrouver un équilibre, exactement la définition de la résilience, c'est-à-dire à retrouver un équilibre après une crise. Et l'Empire romain connaît des crises extrêmement importantes. Et je pense que cette résilience, elle provient aussi, alors petit à petit, évidemment, c'est pas dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi par la taille, en fait, de l'Empire. C'est-à-dire qu'une crise qui va affecter une série de séismes en Asie mineure, par exemple, ne va pas empêcher un développement économique à l'autre bout de l'Empire. Ça peut être sur l'île de Bretagne. Je pense que c'est là que se situe vraiment la résilience du monde romain. En tout cas, les catastrophes pourraient-elles être des moteurs de l'urbanisme romain durant l'Antiquité ? Oui, c'est ce qu'a montré, par exemple, notre collègue Charles Davoine de l'Université de Toulouse. C'est-à-dire que à chaque crise, à chaque destruction, alors c'est ce qu'on voit très bien dans l'Ourps, à Rome même, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une catastrophe, ça peut laisser éventuellement de la place, tout simplement, pour construire de nouveaux bâtiments. Mais ça donne aussi une certaine légitimité aux autorités publiques pour construire quelque chose de nouveau. On le voit dans le cas d'Auguste, on le voit dans le cas de Néron aussi. Ricardo González Villaescusa. Oui, sans oublier que quand il y a une catastrophe. On parlait de libéralisme de manière anachronique, d'accord, mais maintenant, c'est aussi le moment de rappeler que quand il y a des catastrophes, des tremblements de terre notamment, par exemple, en 17 après Jésus-Christ, il y a 12 villes de l'Asie mineure qui sont affectées par des séismes. Et donc, non seulement Auguste accorde 10 millions de sesterces, ce qui est une somme considérable, mais à l'instar d'un classement des dommages des secours, il y a des sanctions d'impôts pendant 5 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même un état interventionniste. Quand même. Somme il y a toute. Un peu d'intervention et qui provoque, sans doute, qui a dû provoquer aussi des constructions nouvelles, des réparations de temples surtout. Voilà. La crise affecte généralement tout le monde, mais à qui profitent les réponses de la société ? J'ai envie de dire aux sociétés elles-mêmes, puisque c'est aussi ce qui a permis justement aux populations, alors peut-être aussi particulièrement aux élites qui ont tendance à réussir à trouver des solutions de manière plus simple, parce qu'ils possèdent le pouvoir économique et également une capacité à s'adapter à des situations qui sont contraintes. Donc je pense qu'en conclusion, c'est plutôt les sociétés humaines voilà, qui permettent collectivement d'avancer, soit en mettant en place des systèmes qui vont permettre justement d'outrepasser le risque, ou en trouvant une situation qui vont permettre de les contourner. On pense notamment à des déplacements de villes, des villes qui sont abandonnées, non pas parce que les populations ont disparu, mais simplement parce qu'elles ont choisi un nouveau lieu pour déployer la communauté et faire société. Marguerite Ronin, la nature des solutions évoquées pour vivre avant et bien sûr surtout après la crise semble assez variée, de la reconstruction à la divination. En fait, tous les moyens sont bons. Oui, ça c'est évident, c'est-à-dire que c'est autant aujourd'hui et ça dépend aussi, ce qui est important c'est de souligner le rôle des acteurs et donc les acteurs qui sont à la fois du côté de la prévention des risques et ensuite des remèdes à apporter après une catastrophe, les acteurs qui participent à ce phénomène ont tous des intérêts différents à développer. C'est pour ça aussi que la nature des réponses des deux côtés en fait de la catastrophe, si on veut, sont multiples. Elles peuvent être religieuses, elles peuvent être politiques, technologiques, etc. Chaque individu a aussi sa capacité de résilience face aux catastrophes. Et là, je pense que le surnaturel et la présence des dieux, et on le voit notamment à travers les ex-voto qui sont jetés dans le Tibre, par exemple, c'est un rôle très important aussi. C'est à la fois quelque chose de psychologique. Des dévotions individuelles. Voilà, exactement. Justement, y a-t-il une redéfinition de l'équilibre, qu'il soit social, politique ou économique, après une crise ? Marguerite Ronin. On se disait à qui profite la crise. Il y a aussi, ça c'est quelque chose qui joue un rôle très important et c'est pour ça qu'il faut souligner le rôle des acteurs à chaque fois. C'est-à-dire que au cours des crises, par exemple, de la République, on n'a pas parlé de ça, mais des crises que sont les guerres civiles, en fait c'est une recherche permanente de redéfinition d'un nouvel équilibre au profit de celui qui va permettre en fait d'apporter des remèdes à la crise. Et avec le tournant de la christianisation de l'Empire romain, finalement c'est là aussi que les autorités religieuses chrétiennes vont jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer à leur profit la gestion de la crise et surtout de l'après-crise. Suétone, Tacite, tous les historiens ont évoqué les crises successives de Rome et de son empire romain. Une source importante, même si elle est biaisée, qui voudrait répondre à ce sujet ? Oui, moi je peux dire qu'effectivement, on a toujours une dimension aussi, il faut se méfier aussi de nos sources, parce qu'elles ont une dimension narrative qui est très importante et qu'il faut être capable de critiquer. C'est-à-dire que des auteurs, par exemple, Suétone, par exemple, et contre Néron, donc quand il attribue la responsabilité de l'incendie de 64 à Néron, il faut peut-être se méfier. De la même façon, Dion Cassius est très, c'est ce qu'on appelle l'historiographie sénatoriale, et donc il a tendance aussi à faire porter la responsabilité aux empereurs. Un grand merci à vous trois. Pompéi a vécu bien sûr une crise extrême et sa totale destruction. En revanche, l'idée que la Roma aeterna n'est pas que Rome soit éternelle, mais bien que Rome est une sorte de phénix qui renaît de ses cendres, quelle que soit la catastrophe. Carbon 14 était réalisé par Alexandra Malka, à la technique Grégory Vallon, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inarab.fr.